L'actualité à Nancy et ailleurs. Les foyers ruraux de la Seille présentent le samedi 15 septembre la 10e édition du festival Vache de Rock. Stéphane Fritz, bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur pour le compte des foyers ruraux de Meurthe-et-Moselle. Et donc avec vous, on va voir un peu le détail de ce qui va se passer ce jour-là. On en est à la 10e édition de ce festival Vache de Rock. Après 10 ans et près de 10 000 festivaliers, comment se porte le festival ? Eh ben, le festival se porte bien, effectivement, vous l'avez souligné, depuis 2009, ce sera la 10e édition de Vache de Rock, ce qui témoigne d'une vitalité et d'une forme qui ne se dément pas, notamment grâce à l'implication de nombreux bénévoles et de nombreux acteurs du territoire de Seille et Grand Couronné. Le festival, depuis le début, il se veut familial. Est-ce que c'est toujours le cas ? Alors effectivement, c'est la marque de fabrique, je crois, du festival Vache de Rock, et c'est une ambiance que l'on souhaite conserver. Pour vous donner un exemple, l'an passé, sur 1300 participants, il y avait plus de 250 enfants de moins de 12 ans qui participaient, ce qui témoigne d'une grande diversité de participation et surtout ce qui démontre qu'un festival musical peut aussi être un lieu de rassemblement des familles quand on s'en donne les moyens. Et c'est ce que fait le festival. Il se donne les moyens d'accueillir les familles et d'être dans une ambiance festive, mais sécurisée, où chacun peut prendre son plaisir. Donc le festival Vache de Rock, ce sera le samedi 15 septembre. Toute cette implication aussi des jeunes, il se fait en amont. Il y a différents travaux qui sont faits, notamment même par rapport à l'affiche de cette année, qui est créée de toutes mains par des jeunes. Exactement. Vache de Rock, c'est un événement qui se déroule donc le samedi 15 septembre, mais c'est surtout un événement qui se prépare depuis un an, avec, je vous l'ai dit, une centaine de bénévoles qui s'investissent tous dans des groupes de travail selon leurs envies. Mais c'est aussi de nombreux partenariats qui se sont tissés et qui se sont renforcés au fil des ans. Vous citez l'exemple de la création de l'affiche. C'est un partenariat qu'on a avec le Collège Val-de-Seille de Nomni, qui, avec les professeurs d'art plastique, propose aux élèves de concourir en proposant des visuels qui, à l'occasion de l'issue d'un jury, sont sélectionnés pour constituer l'affiche de Vache de Rock. Donc cette affiche, je vous invite à aller la découvrir déjà sur les réseaux sociaux, sur le site du festival, Vache de Rock, tout simplement. Il y a aussi d'autres implications de jeunes. Je crois qu'il y a aussi de la déco qui est sur place du festival, qui est proposée par des jeunes. Exactement. C'est Jeunesse et Territoire qui est un dispositif qui permet aux jeunes de prendre en main leur destinée et d'accomplir des réalisations, et notamment des chantiers jeunes qui permettent de réaliser l'ensemble de la décoration du festival. Si vous êtes parmi nous samedi 15 septembre, vous pourrez découvrir ces réalisations, ces panneaux signalétiques lumineux qui sont vraiment très très sympas et qui donc permettent d'investir largement la jeunesse dans l'organisation du festival. Alors le festival, c'est le samedi 15 septembre, c'est à partir de 17h30 et bien sûr la musique sera au rendez-vous pendant toute cette soirée. Qu'est-ce qui nous attend ce jour-là ? Alors il vous attend déjà beaucoup de convivialité, oui. on l'a déjà dit, et la production de 6 groupes qui vont s'enchaîner donc à partir de 18h30. On ouvre les portes à 17h30, mais le premier groupe démarre à 18h30, c'est Adopt un Zikos. La programmation de Vache de Rock, elle est éclectique, elle est faite pour que chacun y trouve son plaisir. On a des influences rock, mais aussi des influences plus pop, chansons françaises. Pour vous donner les groupes qui vont se produire, My Perfect Alien, Radio Bistro, Holly 2, I Walk Sound et Dog and Style font la programmation du festival. Voilà, donc à partir de 18h30, la musique est présente. Il y a d'autres choses qui vont se vivre sur place. Bien sûr, on pourra se restaurer, j'imagine. Bien sûr, alors on peut insister aussi sur le fait qu'on a une attention à avoir une restauration de qualité et qui reste accessible financièrement. Donc on travaille au maximum avec des producteurs locaux. Par exemple, on va proposer aux festivaliers une soupe bio confectionnée avec des légumes issus d'une AMAP, d'une association pour le maintien de l'agriculture paysanne du territoire. On a un espace aussi, parce qu'on est attaché à ça, autour de la prévention, qui nous permet de, voilà, de mettre l'accent sur les dangers, sur les questions d'addiction, mais également en proposant à nos festivaliers des bouchons pour protéger les oreilles. Et puis, on peut aussi parler de l'accessibilité financière de notre festival, puisque la soirée sur le site, le billet est vendu 10 euros à l'entrée. Mais jusqu'au vendredi 14, vous avez plusieurs points de vente qui vous permettent, si vous achetez vos billets à l'avance, de ne les payer que 7 euros en prévente. Voilà, où est-ce qu'on peut retrouver toutes les infos justement ? Toutes les infos sur le site du festival, vachederock.fr, les points de vente, les horaires, le détail des groupes et toutes les informations que vous avez besoin de retrouver sont centralisées à cet endroit. Et voilà plein de bonnes raisons pour participer à la 10e édition du festival Vache de Rock samedi 15 septembre à Jean de Lincourt. Stéphane Fritz, merci beaucoup. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.